J'ai toujours pas trouvé le bonheur, ni même une raison d'arrêter de râler. J'ai pas percé, je me dis qu'il serait temps d'arrêter de rapper. J'attends qu'une étoile tombe, je commence à trouver le temps long. Les pensées sombres d'un mec qui a passé son enfance dans l'ombre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que je me sens seul, putain. Rêver pour seul but, le désespoir pour seul butin. Pff, y'a ce putain de rap qui pourrait nous rendre célèbres. Je me ferai des plans sur la comète cette nuit jusqu'à ce que le jour se lève. J'ai déjà perdu ce que j'aurais dû avoir. C'est dû à quoi? On se fait du mal, la vérité est dure à croire. Le temps passe vite, j'ai perdu ma jeunesse à faire du rap pendant que certains gars cherchaient des étoiles au fond d'un verre de Jack. Quand tu cherches le sommeil, dur d'éviter l'alcool et le shit. On rêve d'avoir des rêves, putain, j'en suis devenu narcoleptique. Un de ces jours ça changera. En attendant, je m'ennuie, je me bute au coca, j'écris des rimes en attendant la nuit. Le regard posé sur la foule, frère, j'analyse mes semblables. Une vie à attendre, que la fatalité s'abatte. Le temps est notre ennemi, chaque seconde nous condamne. Alors je vis à fond et rends chaque instant mémorable. Comme vous, j'ai peur d'embrasser le sommeil éternel. Oui, j'ai peur, mais je me concentre sur l'essentiel. Rêver est éphémère, comme un plaisir charnel. C'est la seule chose encore gratuite avec l'oxygène. Mais laissez-moi vivre, embrasser mon destin. Tendre la main, le temps qui me reste à mon prochain. La suite, personne ne la connaît, ce n'est pas pour me déplaire. Alors en attendant la nuit, je regarde mon étoile polaire. Loin de tout, je me sens seul parmi vous tous. Loin de vous, je me sens bien, hashtag anonymous. Dans ma bulle, je refais le monde comme un autiste. Laissez-moi kiffer le peu de temps qui me reste à vivre. Staring at the sink of blood and crushed veneer.